Wesh Omar. Wesh, ça va ou quoi mec? Ça va rien ou quoi? Alors qu'est-ce que ça raconte? Ah, je suis là, je taffe mon album mon vieux. Ouais? Ah ouais, je voulais t'inviter sur un morceau spécialement pour la harbe et tout ça. Vas-y, y'a pas de problème, on peut se représenter hein. Ah c'est de la bombe mon vieux, parce qu'on nous boycotte ce moment, faut être là mon vieux. Mais grave. On prend harbe, café. Yeah, ouya, bien à rané parti. Calonné tranquille, dans ma tête, yeah, ho. Quel est-ce qu'il y a un style? Et y'a le micro. Un mec c'est guitare, sèche comme le lap qui coule au mitard. Pour nos refs, on a carcéré pour deux bâtards. Je représente comme les blacks pour en terre, je suis de la plage jusqu'au bloc de Nanterre, fuis. On a les taxiphones à la place des taxis. Ça fait des longs trajets quand on est parti ici. T'inquiète, nos mots résonnent pour les nôtres hors taxé. Haute colline étiquette, si si t'as un bon prix. Et ouais, je suis bougnoule jusqu'à dans mon quartier. Jusqu'à ma coupe, mon cervelle et mon verre de thé. Yeah, oh yeah, c'est les mille et une nuits. Regarde nos gueules effectives. Maintenant les gens ils se prennent pour des armées. On n'a pas la même peau, la même vibe. On représente à fond ici pour la vie. On n'a pas le pouvoir mais on a le style. Maintenant les gens se prennent pour des armées. On n'a pas la même peau, la même vibe. On représente à fond ici pour la vie. On n'a pas le pouvoir mais on a le style. J't'envoie mes flashs, trash, capiche. Vas-y sur flaque de piste, ici jusqu'à place de cliché. Biche, ce soir les vigiles ont des sorts. Casser les bouches de deux ou trois connards qui foutent des sorts. N'importe quel type peut morfler. Étincelle au pinel, fait du fer amorcé. La bac en fête, fête, fait du sel. Dans la capitale, les salles font des grippes et les rêves. Ça monte en pic, pic sur les artères. Brique sur brique, grec frites, sale comme le parterre. J'allume mes potes en up. J'garde la verge dure, t'inquiète, j'ai pas encore de démontage. Corbeau noir, perche, j'ai sorti des planches. Revanche à couche tard, pris dans l'avalanche. Ça te branche, ça c'est le réel qui pue. Merde quotidienne que j'écris sur du putain de cul. Maintenant les gens ils se prennent pour des armées. On n'a pas la même peau, la même vibe. On représente à fond ici pour la vie. On n'a pas le pouvoir mais on a le style. Maintenant les gens se prennent pour des armées. On n'a pas la même peau, la même vibe. On représente à fond et c'est pour la vie. On n'a pas le pouvoir mais on a le style. Ça te fait chier que j'ai grandi dans un quartier arabisé. Tu connais bien les bandits à la salive aromatisée. J'en place une pour mon bled et les rues du 18. Et la scar c'est des têtes, viens on tape un bis vite. Tu veux scooter, gofa, vodka ou pète de booster. Regarde en bas, clic clic. Il pique grave les armes et le reste. Et même dans la musique, on est là du nord à l'est. Boycott pas ma couleur de bâtard. On est quand même des purs ça, la dégaine de mota. Mais le casque intégral, on va tout péter. On fait un drive back à deux sur un CD. Maintenant les gens ils se prennent pour des armées. On n'a pas la même peau, la même vibe. On représente à fond ici pour la vie. On n'a pas le pouvoir mais on a le style. Maintenant les gens se prennent pour des armées. On n'a pas la même peau, la même vibe. On représente à fond ici pour la vie. On n'a pas le pouvoir mais on a le style.